Ce fut ensuite aux deux fiancés que le gouverneur posa les questions d'usage. « Marc Vidal, promettez-vous de prendre Mira Rodrigue pour épouse ?»« Je le jure, » répondit mon frère à qui on avait fait la leçon. « Mira Rodrigue, promettez-vous de prendre Marc Vidal pour époux ?»« Je le jure, » répondit Mademoiselle Mira. « Nous, gouverneur de Rags, » prononça alors son Excellence, « en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par l'impératrice reine et conformément aux franchises séculaires de la ville de Rags, baillons licence de mariage à Marc Vidal et à Mira Rodrigue. Voulons et ordonnons que le dit mariage soit célébré dès demain, en la forme régulière, dans l'église cathédrale de la ville. » Ainsi s'étaient passées les choses dans leur simplicité habituelle. Aucun prodige n'avait troublé l'audience, et bien que cette idée m'eût un instant traversé l'esprit, ni l'acte sur lequel furent apposées les signatures ne fut déchiré, ni les plumes arrachées de la main des mariés ou des témoins. Décidément, Wilhelm Storitz était à Spremberg, et il pouvait y rester pour la joie de ses compatriotes, ou, s'il était à Rags, c'est alors qu'il avait épuisé son pouvoir. Maintenant que ce sorcier surfait le voulut ou non, Mira Rodrigue serait la femme de Marc Vidal, ou elle ne le serait de personne.